cous. Je tourne en TDM sous Grégousse. J'oublie les problèmes et je tousse. Quand je fume trop d'air, poteau, je peux trahir le mal quand je t'appelle pas. Quand j'ai besoin d'aide, tu m'aimes pas. Sache que moi non plus, t'inquiète pas. Je roule, je fais mon bête, si je traîne pas. C'est que je vous sens plus, tu me rabaisse belle. Nique tes ancêtres, t'es ton passion bien, c'est dans le Golf 5. Arrête de faire le mafieux. J'ai qu'une chose, c'est ta gueule. C'est le son de la grâce. Va te envoler. C'est le son de la grâce. Fais poursuivre. Prends fou la part. Sans verrer les mains. Prends fou la part. Mais ta cagoule. C'est le son de la grâce. Va te envoler. C'est le son de la grâce. Fais poursuivre. Prends fou la part. Sans verrer les mains. Prends fou la part. Ou arrière, pochon dans le caleçon. J'passe les vitesses à l'air, t'aimes la sensation. J'ai des mauvaises, des bonnes fréquentations. De bleu sur moi, j'envoie un petit à l'alimentation. Ça coupe sur la plaque pour fumer la frappe qui te met des claques, garçon. Je fais le match, j'insulte pas mes phrases, mes passons. À coup de matraque, je les prends, c'est pédé, quoi que je blague, je blague. Je rends fou la bague, je veux dans le vent. J'suis toujours pas de casse, de casse. Y'a ma hâte traverse, ça te voit pas de vent, sauf quand tu traverses, baba. J'ai juré le grand-père que jusqu'au bout, j'vais leur faire laser, baba. Y'a ma hâte traverse, ça te voit pas de vent, sauf quand tu traverses, baba. J'ai juré le grand-père que jusqu'au bout, j'vais leur faire laser. T'as qu'à gauche, c'est le son de la grâce. Va t'envoler, c'est le son de la grâce. T'es poursuivi, j'en fous la bague. Prends fou la part, mais ta cagoule, c'est le son de la grâce. Va t'envoler, c'est le son de la grâce. Fais poursuivre, prends fou la part. Sans enlever les mains, prends fou la part. J'brise tout sur le BPM, tu me dégoûtes. Toi et ta dégaine, si on t'écoute, tu finis. Pourtant j'y mets tout mon putain de cœur, j'me démène. J'me le cache nez sur la raille, j'dors le peupon sous l'oreille. J'peux te faire du rap, de la pop, du rail. J'peux dire wesh fiste, wesh m'oreille. Ou en tête, des gens sont sous pare-balles. En priant d'avoir un super bol, j'm'en tape, c'est avec mes habits, j'marque mal. J'garde mon sac wesh sur mes épaules. Si j'veux, j'engage des petits bateaux. De la kika d'un narcos. J'peux changer, j'défends ma cause. Moi, jeunesse en la cause. Ta cagoule, c'est le son de la grâce. Va t'envoler, c'est le son de la grâce.